rangé mon lit. Après avoir pendu le linge, je me demande finalement, Emma, voudras-tu me voir ce soir? Emma, voudras-tu me voir ce soir? On pourrait aller chez Rosa, on pourrait manger une pizza, on peut faire un jeu de société, tu pourras même me sucer. Emma, voudras-tu me voir ce soir? Emma, voudras-tu me voir ce soir? Il y a tellement de choses à faire, même rester couché et pleurer. Il y a la série de Blanche Gardin, il y a m'endormir entre tes seins. Emma, voudras-tu me voir ce soir? Emma, voudras-tu me voir ce soir? Emma, voudras-tu me voir ce soir? Emma, voudras-tu me voir ce soir?